Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Histoire de l'Afrique médiévale. En 1914, la revue L'Anthropologie offre le compte-rendu des ouvrages parus sur le Soudan ancien, notamment les ouvrages de Maurice de la Fosse, administrateur colonial et ethnologue. Voici l'idée majeure de ce compte-rendu. L'histoire médiévale de l'Afrique occidentale sera bientôt presque aussi connue que celle de l'Europe. L'est-elle ? Du royaume d'Éthiopie au sultanat du Mali, de Ménélik à Mansa Moussa, une histoire de l'Afrique médiévale, une histoire qui ne manque pas de Sahel. Adrien Collet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le sultanat du Mali ». Le titre donne envie, mais le sous-titre intrigue. Histoire régressive d'un empire médiéval. 21e, 14e siècle. Il faut nous expliquer cette notion de régressif. Alors en fait c'est assez simple, c'est lié à la fondation de ce champ d'études qui est d'abord né au croisement de l'orientalisme et de la géographie savante, puis dans la production scientifique des administrateurs coloniaux. Et si vous voulez, c'est à partir de là que l'histoire académique de l'Afrique médiévale s'est développée. Donc à partir de cet héritage historiographique à la fois très riche et très problématique. Et donc pour moi, l'idée, c'était évidemment de partir de cette période-là jusqu'à aujourd'hui dans une première partie et de montrer comment cette histoire a été écrite. Donc à partir des sources arabes externes, puisque pour l'époque du Mali médiéval, les sources arabes sont externes, donc sont allées chercher avant tout en Afrique du Nord, principalement au Caire, au Maroc et en Al-Andalus. La découverte progressive, les Européens apprennent qu'il y a un patrimoine manuscrit arabe-ouest-africain qui prend son essor à partir de la fin du XVIe siècle. Donc au fur et à mesure des découvertes des chroniques ouest-africaines aussi, la connaissance historique s'enrichit. Et puis ensuite, un travail ethnographique avec les traditions orales, etc. Oui, parce que dans votre histoire du sultanat du Mali, c'est vrai que le premier chapitre, c'est du 21e, enfin du 19e siècle, mais aux années 1940, d'aujourd'hui aux années 40, et puis après nous repartons dans le temps, mais par contre, dans la chronologie du sultanat que vous offrez dans votre livre, là vous avez gardé le bon ordre chronologique. Voilà. Et donc cette histoire au début a été écrite avec, par le biais d'idéologies assez puissantes, notamment évidemment l'idéologie coloniale, mais également qui a absorbé d'autres sous-idéologies comme la théorie sur l'inégalité des races humaines. Le diffusionnisme en partant du principe que la civilisation n'avait pas pu se développer en Afrique de l'Ouest et donc elle était venue d'ailleurs, et etc. etc. Donc l'idée c'était d'abord de partir de cette histoire-là et de montrer comment beaucoup d'idées qui ont été développées à cette période-là, 19e, début 20e, irriguent encore l'écriture de l'histoire aujourd'hui. Et ensuite m'intéresser à comment l'histoire du Mali médiéval a été écrite en Afrique de l'Ouest du 17e siècle au 19e siècle à partir des manuscrits arabes ouest-africains, donc qui eux s'appuyaient sur quelques sources arabes médiévales, sur également quelques documents locaux en arabe qui ont disparu et surtout sur la place que le Mali avait encore dans la culture orale de l'époque, donc des grandes villes comme Tombouctou, Gao, etc. Et ensuite, dans la dernière partie, de montrer comment les contemporains du sultanat du Mali, au Caire et au Maroc principalement, ont écrit des savoirs historiques sur le Mali médiéval. Et évidemment, à chaque strate, on a une histoire complètement différente du sultanat du Mali qui est proposée. Avec ce sultanat du Mali, où sommes-nous, Adrien Collet ? Parce qu'il faut le préciser, on dit Mali, bien sûr, on pense au Mali d'aujourd'hui. Non, là, faut corriger légèrement. En fait, c'est la République du Mali qui, d'abord la Fédération du Mali en 1959, puis ensuite la République contemporaine du Mali qui a repris ce nom de cet grand état médiéval. Donc, qui s'est développé au Sahel occidental à partir d'une région qu'on appelle le Mandène ou le Mandingue, et qui ensuite a pris une extension territoriale jamais vue en Afrique de l'Ouest à l'époque médiévale. En faisant la conquête de toute la façade du Sahel occidental, donc en imposant son hégémonie sur le commerce transsaharien, en prenant les grandes cités de la boucle du Niger, donc dont la plus célèbre évidemment est Tombouctou. Et donc c'est un sultanat ou un empire qui s'étendait sur quasiment tout le Mali actuel, une partie du Sénégal, de la Guinée et d'autres pays environnants. Et c'est la seule formation médiévale ayant reconnu cette extension territoriale. Et cette histoire, vous la faites sur le temps très long, évidemment. Mais le sultanat du Mali, s'il fallait lui donner des dates, nous serions quand ? C'est à partir d'un petit royaume préexistant qui connaît un mouvement de conquête important, donc dans la première moitié du XIIIe siècle, les dates sont pas très claires. Et ensuite, une entrée en déclin dans la première moitié du XVe siècle. sans doute une perte des grandes villes, donc une perte de Tombouctou en 1433, une perte sans doute de la façade sahélienne entre les années 1430 et 1460. Et ensuite un repli plus au sud, à nouveau dans une configuration sur un royaume plus modeste. Voilà, donc 13e siècle, on va dire, pour le début, avec une histoire qui s'écrit avec des personnages, comme toutes les histoires. Et parmi ces personnages, il y en a un remarquable. Alors que le soir tombait, on vit apparaître face au couchant Sundiata, accompagné de Mandingbori, de Kologan et de Balafaseke. Le cœur du mandingue battait dans le même rythme. Le mandingue libre allait recevoir son chef, son roi. Peuple réuni, fils du mandingue, je vous parle. Je vous transmets le salut de ma grande Sundiata. Vous tous, peuple réuni, Sundiata vous salue. Nous voici après de longues années, de dures épreuves, réunis autour de notre sauveur, restaurateur de paix et d'ordre. Sundiata Keïta, présenté dans l'émission Terre de légende en 1964. Nous sommes donc au Mali, sultanat du Mali, mais pas le Mali au sens de pays comme aujourd'hui au XIIIe siècle. Qui est Sundiata Keïta? Alors, Sundiata Keïta, c'est un personnage historiquement omniprésent, mais paradoxalement qui est très difficile à saisir historiquement. Il est considéré comme le fondateur donc de l'Empire du Mali. Dans les sources arabes médiévales, le fondateur est appelé Maridjata, donc qui est un autre nom de Sundiata Keïta. Donc on sait que c'est un personnage qui a existé, un personnage historique. Mais si on prend les sources arabes médiévales, le récit officiel d'histoire officielle qui est diffusé par le sultanat du Mali commence avec le fondateur Maridjata. Alors que dans la tradition orale mandingue, le récit de fondation se concentre sur la geste de Sundiata Keïta et sur l'arrière-plan historique qui a mené à sa prise de pouvoir et à la fondation de l'empire. Et le problème, c'est qu'évidemment, la tradition orale n'est jamais figée. Elle évolue en fonction du contexte historique, avec le temps. Et elle est conditionnée par un présent d'énonciation, ce qui fait que le récit tel qu'il est connu aujourd'hui, tel qu'il a commencé à être consigné au XIXe siècle, a déjà un peu évolué. Donc on est capable de voir de saisir un peu cette évolution de la tradition orale. Et évidemment, il nous est arrivé sous une forme semi-légendaire. Donc c'est très très difficile d'utiliser ces textes de la tradition orale pour faire de l'histoire médiévale. C'est extrêmement intéressant pour étudier les problématiques plutôt médiévalistes, c'est-à-dire les discours du présent sur le passé médiéval. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sundiata Keïta a été choisi par les intellectuels ouest-africains dans les années 50 comme figure fondatrice d'un roman qui est d'abord pan-national, pan-africain, qui devient ensuite roman national malien, comme figure fondatrice du roman national malien, et notamment avec un slogan très accrocheur pour réfuter l'histoire qui était enseignée par le colonisateur dans les écoles, notre ancêtre Sundiata contre nos ancêtres les Gaulois. Et donc c'est vraiment, il a cristallisé beaucoup beaucoup d'écrits et à partir surtout des années 60, il a connu des publications qui en ont fait un personnage de l'histoire mondiale, avec notamment Sundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsirnian en 1960, qui a été vraiment un best-seller et qui a été tout de suite intégré au programme scolaire des jeunes républiques indépendantes en Afrique de l'Ouest. Adrien Collet, vous êtes membre de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Vous publiez Le Sultanat du Mali, cette histoire régressive d'un empire médiéval. C'est CNRS édition. Quelles sont les difficultés de l'historien dès qu'il veut étudier l'histoire médiévale de l'Afrique, parce que vous l'avez évoqué, des sources extérieures, des traditions orales, c'est extrêmement complexe à saisir. Oui, François-Xavier Fauvel en a déjà très bien parlé lundi, c'est-à-dire qu'on travaille avec des régimes documentaires extrêmement fragmentaires, et une difficulté supplémentaire, contrairement à Amélie qui en parlera peut-être après, c'est que moi, pour l'époque médiévale, je travaille avec des sources externes, c'est-à-dire que des sources qui n'émanent pas du sultanat du Mali. Donc on est déjà dans un régime documentaire qui propose des discours historiques sur un objet extérieur, et à de rares occasions, notamment quand les caravanes royales du Mali passent au Caire et qu'il y a des rencontres diplomatiques, là on a des fragments de discours de personnages maliens, notamment Mansa Moussa, qui sont en représentation politique. Et là, on peut saisir quelques conceptions émiques du pouvoir malien. Mais sinon, on est toujours obligé de travailler avec des sources externes pour la période médiévale. Et même chose pour la période post-médiévale, c'est-à-dire l'époque, la grande époque des manuscrits arabes-ouest-africains, donc qui commence vraiment fin 16e, mais qui prend vraiment son essor au 17e siècle, c'est-à-dire les manuscrits de Tombouctou, mais d'autres centres aussi de production de manuscrits. Cette fois, on a des sources locales, mais avec un décalage temporel d'au moins 2 siècles et demi. Donc là aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, puisqu'évidemment, il y a des reconstructions historiques. L'écriture de l'histoire est fortement aussi conditionnée par le contexte politique. Et donc, là aussi, il faut avoir une attitude extrêmement critique vis-à-vis de ces sources. Pour nous aider à réfléchir sur l'écriture de l'histoire médiévale de l'Afrique, vous êtes avec nous, Amélie Chekroun, bonjour. Bonjour. Alors, nous quittons le Mali, nous quittons l'Afrique de l'Ouest pour aller un peu plus à l'Est, pour réfléchir notamment à l'Éthiopie. Est-ce qu'on peut dire que les problématiques sont les mêmes pour l'ensemble de l'Afrique? Vous savez, cette perversion qui voit l'Afrique comme un tout, et nous savons bien qu'il y a une immense diversité. Pourtant, pour l'historienne que vous êtes, y a-t-il des difficultés similaires à ce que vient d'évoquer Adrien Collet? Ah oui, tout à fait. On peut vraiment mettre en parallèle la région de la Corne de l'Afrique et la région qu'étudie Adrien, l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'était deux régions qui, à cette période de la fin de l'époque médiévale, étaient en contact régulier avec la rive sud de la Méditerranée. Donc on a des problématiques sur les régimes documentaires et notamment toutes les sources externes produites, notamment au Caire, qui se retrouvent. Mais si vous allez dans d'autres régions d'Afrique, plus au sud par exemple, ce sont des problématiques qui sont beaucoup plus ténues, beaucoup plus complexes à aborder. Oui, parce que il y a des liens sans cesse. Hein. Mali, Éthiopie, c'est extrêmement éloigné, mais malgré tout, les contacts sont constants entre ces deux régions. Ils se connaissent, il y a des échanges sans cesse. Alors non, c'est pas des relations entre la Corne de l'Afrique et le Mali. C'est des relations entre la Corne de l'Afrique et le Caire et le Mali et le Caire. Et donc il y a éventuellement un contact au Caire ou au Hedjaz, dans les lieux saints de l'islam, mais les liens entre les deux régions ne sont pas attestés. Non, c'est vraiment le Caire qui, dans les 3 derniers siècles de la période médiévale, devient le carrefour mondial de l'islam, un centre économique majeur, évidemment diplomatique, puisque c'est le sultan du Caire contrôle les lieux saints, a assigné à résidence le calife abbasside dans sa citadelle, et contrôle aussi la caravane officielle qui part pour le pèlerinage chaque année. Donc le Caire est un point de convergence de tous les musulmans du monde, et notamment les musulmans du continent africain. C'est un passage obligé, puisque évidemment à cette époque-là, les pèlerinages sont adossés à des problématiques de commerce, de diplomatie, etc. Donc c'est là où se font les rencontres. Mais pas directement d'une région à l'autre. Et dans les deux cas, un regard vers l'extérieur, hors de l'Afrique. Alors, du côté de la Corne de l'Afrique, comme une évidence, vers l'Arabie, vers l'Égypte et donc la Méditerranée. Absolument, vers l'Égypte, la Méditerranée, l'Arabie même en premier, je dirais. Et puis plus lointainement, avec tout l'océan Indien, jusqu'en Inde, on retrouve des relations pas très étroite, mais réellement attestée entre les populations de la Corne de l'Afrique et la façade ouest de l'Inde. Mais justement, faisons un petit tour en Éthiopie. Un enfant, une fille si belle qu'elle évoque la reine de Saba, un champion olympique, permettez-nous de vous présenter l'Éthiopie. Pays mystérieux, où coule le Nil bleu entre la savane tropicale et les hauts plateaux d'Abyssinie, pays chrétien de 22 millions d'habitants, où musulmans et païens côtoient le monde moderne. C'est aussi le plus vieux royaume du monde que prêtres et soldats ont toujours défendu contre la grande poussée arabe. L'Éthiopie, royaume juif pendant 1000 ans et terre chrétienne depuis 16 siècles. Le monastère de Debredamo, le plus ancien, fut fondé dans les premières heures de l'Église. Plus inaccessible encore que la montagne qu'il domine, on y retrouve la pureté des gestes des premiers chrétiens. L'artiste qui a enluminé cette Bible, sculpté ses plafonds, décoré ses murs, était contemporain de Saint Louis ou du prêtre Jean. C'est François Debré, journaliste écrivain dans l'émission Point contre Point en 1969, qui évoquait l'Éthiopie. Alors, avec une lecture fragmentée, hein, le millefeuille est très bien fait, hein, juif, chrétien, puis musulman. Amélie Chekroun, évidemment, nous ne sommes plus sur ces lectures-là. Plus du tout. C'est vraiment un discours qu'on n'entend plus du tout quand on parle de l'histoire de la région. Cette idée d'un royaume de juifs de 1000 ans, c'est une idée qui n'est plus du tout présente dans les discours historiographiques. Il y a effectivement un royaume chrétien qui se développe à partir du 4e siècle et qui domine les hauts plateaux centraux de l'Éthiopie et de l'Érythrée et qui a existé jusqu'à la fin du 20e siècle. Et qui a, dans l'historiographie au XXe siècle, ça a été surtout ce royaume chrétien qui a été au centre des recherches. Et on a souvent oublié que cette région n'était pas exclusivement chrétienne, bien au contraire, et que autour, sur les terres plus basses qui entourent ce haut plateau central éthiopien, il y a à la fois des sultanats, ou en tout cas des états musulmans, et puis tout un tas de populations dont on ignore quasiment tout, qui sont païens. Alors c'est un mot un peu parapluie qu'on utilise comme ça pour désigner des religions qui ne sont ni chrétiennes ni musulmanes, et qui ont laissé quelques stèles funéraires, généralement phalliques, mais en dehors de ça, dont on ne sait rien. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait rien de ces populations qu'il faut considérer, comme c'est le cas dans l'extrait, qu'elles n'étaient pas puissante, qu'elle n'avait pas un poids important dans les dynamiques régionales et que le royaume chrétien n'était pas en perpétuelle relation avec ces populations-là. Et oui, la capacité d'étudier des populations dépend des sources. Et les sources, Amélie Chekroun, ici, évidemment, il n'y a pas les textes, vous le dites bien, vous parlez de stèles, donc c'est l'archéologie là qui vient en aide à l'historienne. Alors c'est l'archéologie est essentielle pour comprendre l'histoire de la région, mais pas seulement, parce que c'est ce que disait Adrien tout à l'heure, pour l'Éthiopie, il y a un régime documentaire qui est très particulier, qui est que comme en tout cas une partie de la région a été un royaume chrétien puissant très anciennement, on a une production textuelle locale ancienne, qui n'est pas du tout le cas pour la région du Mali. Et donc ces documents qui sont essentiellement des manuscrits religieux, des textes liturgiques, restent quand même des sources d'informations importantes pour l'historien, à la fois pour l'histoire religieuse, mais aussi pour l'histoire politique, économique, sociale, ne serait-ce que parce qu'il y a des petites notes dans les marges ou des circulations de textes entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et au fur et à mesure de l'époque médiévale, il y a des textes plus historiques qui sont mis par écrit au sein des monastères chrétiens et qui permettent à l'historien d'avoir quelques petits éléments auxquels s'accrocher. Et du côté des païens, il n'y a aucune source textuelle. Et du côté des musulmans, par contre, il y a quelques documents. Alors, pas beaucoup, puisque finalement il n'y en a que trois qui restent aujourd'hui connus, qui ont été produits au sein des populations musulmanes de la région. Mais trois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà c'est très peu pour 7 siècles d'histoire, c'est vrai, mais c'est quand même pour l'historienne que je suis extrêmement extrêmement précieux. Mais après, c'est vrai que le gros des sources endogènes, ce sont les sources archéologiques. Chrétiens, musulmans, païens, en Éthiopie, vivent au même moment sur les mêmes territoires. Alors il y a des évolutions, bien sûr, nous l'entendons. Mais le point commun qu'il peut y avoir entre le sultanat du Mali, et le nom même le dit, sultanat, et puis l'Afrique de l'Est, c'est cette religion, l'islam. Est-ce que cela va avoir une incidence sur une histoire commune pour l'Afrique médiévale? Alors, peut-être un élément qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il faut avoir en tête que même longtemps après la période médiévale, les musulmans ne sont pas du tout majoritaires dans la région. C'est surtout un phénomène urbain lié aussi à des dynasties, à des pouvoirs, à des états. Mais l'essentiel des sujets suivent des religions non monothéistes, qu'on appelle parfois encore religion traditionnelle, mais voilà, si on a leur nom, c'est mieux de donner leur nom, sinon non monothéiste ou religion polythéiste, que souvent c'est des religions aussi avec plusieurs divinités. Et donc, évidemment, c'est la manière dont l'islam se diffuse dans la région Et à cette époque-là, en tout cas, la période médiévale est très très peu conflictuelle. En tout cas, dans le domaine des sultans. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des guerres au sud pour aller chercher des esclaves dans les zones non monothéistes. Mais évidemment, il faut trouver un moyen de cohabiter avec les sujets qui ne sont pas musulmans. La pratique qui s'est mise en place assez tôt, c'est-à-dire qu'on a des souverains qui sont à la fois des musulmans, donc musulmans aux yeux de leurs sujets musulmans, et qui sont aussi souvent des dépositaires et des garants de la religion plus ancienne aux yeux de leurs sujets majoritaires qui suivent ces religions-là. Et souvent, ces deux pratiques religieuses qui cohabitent en un même personnage donnent lieu à deux organisations de la société, deux conceptions de l'ordre du temps, qui peuvent cohabiter, par exemple, au sein d'une même journée à la cérémonie des Mansas du Mali, donc des sultans du Mali, avec une matinée consacrée aux célébrations de certaines fêtes religieuses musulmanes, et l'après-midi, le souverain qui apparaît comme le souverain, donc soit comme un roi sacré, soit comme le garant de la religion, qui est encore dominante. Et on le voit vraiment, par exemple, à la cour du Ghana au XIIe siècle. Le matin, le souverain du Ghana tient audience, et souvent, comme c'était le cas, et aussi une instance de justice supérieure qui arbitre certains cas. Donc on peut lui parler, on peut l'approcher, et l'après-midi, il défile comme un roi sacré, personne n'a le droit de lui approcher, personne n'a le droit de lui parler, et il met en scène un discours du pouvoir complètement différent. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, puisque évidemment aujourd'hui malheureusement c'est une zone qui est largement inaccessible, puisque c'est devenu une zone de guerre. Mais il faut penser que pendant longtemps la conflictualité n'était absolument pas le mode d'expression du politique, et au contraire tous ces différentes cultures, ces différentes religions cohabiter, coexister, passer des pactes politiques, économiques, etc. Et évidemment, c'est ce qui est assez logique finalement, puisque tout le monde est arrivé à gagner, et notamment c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde, et à partir du moment où on associe des groupes à la prospérité de ces grands états, notamment du commerce transsaharien, par exemple les populations berbères du Sahel, parce que le Sahel était à la fois un monde berbère et un monde soudanien. Et en fait, on observe à l'époque du sultanat du Mali une association étroite des groupes berbères du Sahel au pouvoir malien. Et quand le grand voyageur Ibn Battuta arrive à Walata, qui était l'un des grands ports commerciaux du Sahel à l'époque du sultanat du Mali, il y a à la fois des hommes en armes du Mali et également des hommes en armes des Massoufa, donc les berbères qui habitaient là. Donc c'est-à-dire qu'on ne désarmait pas non plus les populations conquises, on les associe au pouvoir. Alors que la pratique d'un pouvoir centralisateur hégémonique, généralement, c'est de désarmer les pouvoirs conquis pour les soumettre à l'impôt, etc. Donc là, on a des modes d'expression du politique. L'Afrique médiévale est un laboratoire incroyable du politique pour penser les choses un peu différemment. Et surtout, c'est difficile, mais il faut vraiment faire abstraction du contexte actuel, qui peut être vraiment nous induire en erreur. Du contexte et de l'histoire telle qu'elle est racontée, c'est pour ça qu'Adrien Collet, c'est une histoire régressive. Cette histoire régressive, c'est réussir à se départir de toutes les récupérations ou interprétations d'une histoire. C'est pas facile de le faire, parce que nous l'avons dit, toujours cette question sur les sources. Il n'y a pas un ouvrage qui dit le guide du cérémonial du sultanat du Mali au XIVe siècle, comment se comporter auprès du Mansa. Il y a pas ça. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple, parce c'est un des seuls rares textes où on a exactement ça. on a deux belles descriptions de la cérémonie à la cour du Mali, où justement on nous dit comment il faut se comporter devant le Mansa, et un peu toute l'étiquette en vigueur à la cour. Mais c'est extrêmement rare, évidemment. Et quelle est la source? Alors là, la première source, c'est un encyclopédiste mamelouk du Caire qui s'appelle Al-Umari. Qui nous a laissé le plus long et beau texte sur le sultanat du Mali, et qui lui était actif au Caire, qui avait été formé comme un très grand savant religieux, mais qui a suivi un peu les pas de son père et qui a travaillé à la chancellerie du Caire, et qui a essayé de réunir toute l'information disponible à son époque sur le sultanat du Mali, et notamment une belle description donc de la cour du Mansa, vraiment l'arrivée, la hiérarchie des personnages de l'État qui arrivent les uns après les autres, la manière dont on s'adresse à lui, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'adresse pas à lui, on passe par un interprète assermenté qui répète à l'oreille du sultan le fait qu'on doit s'humilier devant le sultan, se couvrir la tête de poussière, s'agenouiller, se rouler, ça dépend. Et donc on a vraiment aussi la chance parfois d'avoir des grands polymathes du monde arabe médiéval qui se sont intéressés d'extrêmement près à ce qui se passait au sud du Sahara. Et dans le fonctionnement même du régime politique, ce sultanat du Mali, cet empire du Mali, si on veut le dire autrement, vous l'expliquez clairement, Adrien Collet, ce n'est pas une domination telle qu'on pourrait l'entendre avec vraiment on tue les populations vaincues, on prend leurs armes, c'est une autre construction politique. Qu'en est-il dans l'Afrique de l'Est, Amélie Chekroun? Comment ce royaume d'Éthiopie, dont on parle tant, fonctionne-t-il? Parce que, évidemment, nous plaquons notre imaginaire médiéval avec un roi, éventuellement des seigneurs, mais est-ce que ça fonctionne ainsi? Alors il y a un roi, effectivement, qui est le roi des rois et qui est central dans l'organisation du royaume et qui a une particularité qui est intéressante, c'est qu'il est nomade, ce roi. C'est-à-dire qu'il n'a pas une capitale fixe, mais tous les 2-3 mois, il se déplace. Comme les rois chez nous, d'ailleurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça rejoint ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est que ce roi a certes sous son autorité des populations chrétiennes, en tout cas qui se christianisent de plus en plus au cours du Moyen-Âge, mais il a aussi, notamment, des populations musulmanes. Et il y a une vraie coexistence et une vraie cohabitation sans heurts entre ce souverain chrétien et ses sujets musulmans, et qui peuvent avoir des chefs locaux musulmans, mais qui sont sous l'autorité du roi chrétien. Et c'est une situation qui peut perdurer pendant un ou deux siècles. On a plusieurs exemples de ces souverains musulmans qui se retrouvent sous autorité du roi chrétien et qui, pendant un siècle et demi, acceptent la tutelle chrétienne, et les relations, notamment pour des raisons commerciales, sont bonnes entre ce pouvoir chrétien et ces pouvoirs musulmans. Et dans les zones de pouvoir musulman, a-t-on le même phénomène où les populations chrétiennes demeurent? Alors, beaucoup moins. C'est vrai que sur les territoires habités majoritairement par les musulmans, les chrétiens sont relativement minoritaires, sauf dans les zones où le royaume chrétien veut s'implanter. Et donc là, il y a une politique plus agressive, disons, pas au sens belliqueux, mais au sens actif, des chrétiens dans l'implantation de monastères, d'églises, sur ces territoires majoritairement musulmans, pour diffuser le christianisme. Mais dans les sultanats, à proprement parler, c'est-à-dire qui ne sont pas sous autorité des chrétiens, et qui sont sous autorité d'un sultan musulman, et où la majorité de sa population, en tout cas celle qui vit dans les villes, est musulmane, il y a une présence extrêmement faible de chrétiens. Il y a des commerçants chrétiens qui sont attestés dans les sources, qui circulent parce que ce sont les musulmans qui tiennent les routes caravanières et qui tiennent le commerce à grande distance, mais il n'y a pas d'implantation dans ces lieux d'habitation musulmans. Oui, échange, grande distance, et vraiment dans cette histoire-là, pour le sultanat du Mali, c'est ça aussi qui est intéressant, ce sont ces échanges. L'on évoque souvent que le sultanat du Mali peut regarder vers l'Est. Alors là, il faut traverser le désert, regarder vers l'Égypte, vers le Caire. Oui, mais parfois, il regarde à l'Ouest. Et à l'Ouest, il y a l'océan. Des arbres énormes furent abattus et acheminés par les fleuves jusqu'à la côte. On construisit donc 200 bateaux et 200 ravitailleurs. Et bien entendu, quand les travaux furent à leur fin, Aboubakar II quitta son palais de Niani et partit avec une grande partie de sa cour. Il se fit construire son propre bateau avec un trône abrité par un parasol en forme d'oiseau. Il voulait diriger lui-même l'expédition grâce à la voix des tambours. Et ainsi, en 1311, il fit voile avec sa flotte, descendit le Sénégal et mit le cap vers l'ouest sur l'Atlantique pour ne jamais revenir. C'est sur RFO en 1997 qu'Ivan Abilov racontait cette aventure, cette histoire, cette épopée à Aboubakar II qui construit des bateaux, mais pas rien, une flotte pour partir sur l'océan vers l'ouest. Il prend la direction que quelques décennies plus tard, un peu plus d'un siècle, Christophe Colomb va prendre. Oui. Oui, c'est une histoire qui est racontée par qui est rapportée par Al-Umari justement, qui interroge des officiels de la cour mamelouk qui ont rencontré Mansa Moussa en 1324 pendant son pèlerinage. Et donc c'est une des rares histoires qui est rapportée directement de la bouche d'un sultan du Mali. Et c'est une histoire vraiment vraiment intéressante puisque c'est vraiment typiquement le genre d'histoire qui a été surinterprété, surutilisé, enfin voilà, qui a été un peu reprise un peu partout, qui est extrêmement présente notamment dans les discours afrocentristes qui s'en servent pour dire que l'Afrique de l'Ouest ou même l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis, a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Sachant qu'évidemment c'est problématique puisque si c'est problématique de dire Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est tout également problématique puisqu'on est vraiment j'en parle un peu dans mon livre du courant afrocentriste. Mais là on est vraiment dans une histoire qui a la même épistémologie que l'histoire écrite en situation coloniale et qui a simplement opéré un retournement idéologique. Donc c'est-à-dire en gros ils essayent de mettre l'Afrique ou des acteurs africains comme point de départ de beaucoup de choses où les Européens mettaient des Européens. Et donc évidemment, ça revient toujours à nier les 4000 ans d'histoire des populations qui habitaient là et qui n'ont pas été découvertes puisqu'elles étaient là et qu'elles étaient chez elles et qu'ensuite elles ont été décimées, colonisées, etc. Mais voilà, ça reprend ces discours-là sans se poser la question de se dire que c'est également problématique de venir nier les cultures de l'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Donc là, c'est vraiment quelque chose c'est une histoire qui est difficile à utiliser parce que là, on se rend compte qu'il y a quand même une sorte de continuum de discours de Lisbonne jusque sur la côte ouest africaine jusqu'au Mali, de discours sur l'océan Atlantique avec extrêmement de nombreux récits dans les sources arabes de navigateurs, d'aventuriers qui affirment avoir navigué dans l'océan Atlantique, parfois assez loin, qui décrivent tous avoir été bloqués par un épais brouillard, une mer de ténèbres, etc. Et donc là, voilà, on a vraiment un continuum discursif. Et moi, ça me fait dire évidemment que c'est un autre exemple, un autre argument pour dire que le sultanat du Mali était évidemment tourné vers son monde. Les circulations dans le Sahara de caravanes se faisaient dans les deux sens. On a longtemps pensé que simplement les caravanes descendaient du nord pour aller chercher de l'or et des esclaves. Mais en fait, non, c'était évidemment une circulation dans les deux sens. Le Sahel était ouvert sur son monde et était aussi au courant de ce qu'on racontait ailleurs sur l'océan Atlantique, sur le Sahara, sur d'autres endroits. Et donc c'est vraiment intéressant puisque Mansa Moussa, quand il vient au Caire, on se rend compte qu'il est extrêmement bien informé sur le monde dans lequel il vit. Et c'est quelque chose qu'on a longtemps nié au Sahel occidental, qu'on a considéré un peu comme une sorte d'isola, qui avait été éclairé périodiquement par des auteurs arabes qui avaient bien voulu s'y intéresser. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui, et moi c'est l'objet de mes recherches actuelles au Caire, qu'il y avait énormément de diaspora ouest-africaine, de musulmans noirs libres qui habitaient dans les grandes villes d'Afrique du Nord et notamment au Caire. Mansa Moussa, que l'on évoque, Mansa c'est le roi, hein, tout simplement, c'est le successeur de celui qui est parti en bateau et qui n'est pas revenu, hein, qui a voulu traverser l'océan. Vous parlez, Adrien Collet, de récupération ou d'interprétation sans cesse, et c'est ça qui est passionnant aussi dans cette histoire du sultanat du Mali. Mansa Moussa est très connu, d'ailleurs, quand on va sur Internet, on le croise régulièrement, parce qu'il est souvent présenté comme l'homme le plus riche de l'histoire. Mm-hmm. Très intéressant, cette présentation, cette omniprésence, l'homme le plus riche de l'histoire. C'est ce pèlerinage que vous évoquez, hein, qui le conduit à la Mecque en passant par le Caire. On imagine le voyage et que sur son chemin, mais c'est juste profusion d'or. Il construit une mosquée tous les vendredis, c'est ça? Oui, alors ça, c'est marrant parce que c'est des lignes qui ont été ajoutées dans une chronique de Tombouctou du milieu du XVIIe siècle, et c'est quelques lignes qui ont été ajoutées dans une autre chronique du XIXe siècle qui a emprunté à cette chronique du XVIIe siècle. Donc il y a beaucoup de légendes, alors évidemment au Caire, à Damas, mais évidemment deux siècles et demi plus tard en Afrique de l'Ouest dans les manuscrits arabes sur Mansa Moussa. Donc c'est évidemment un pèlerinage qui est, enfin c'est son voyage et son séjour au Caire et son pèlerinage à la Mecque ont été désignés comme l'événement le plus important dans les mondes islamiques pour l'année 1324. Il se déplace donc avec, selon les sources les plus fiables, avec environ 12 tonnes d'or. Il faut imaginer une caravane immense, évidemment, beaucoup d'hommes en armes, puisqu'ils se déplacent avec son armée pour protéger la cargaison de la caravane, l'or, les vivres, etc. Une partie de son état, évidemment, donc ça nous donne aussi une idée de la stabilité du pouvoir des Mansa à cette époque-là, puisqu'il s'absente à environ 2 ans de ses états en emportant une partie de son armée et de sa cour. Et le Mali est encore stable assez longtemps après son retour, donc ça donne aussi une idée de la stabilité du pouvoir. Et évidemment, un voyage à 3 dimensions, le pèlerinage finalement à la Mecque qui est assez secondaire, surtout un voyage économique, voilà vraiment, Mansa Musa vient faire du business au Caire et à la Mecque, et une dimension diplomatique aussi extrêmement importante pour mettre le sultanat du Mali sur au rang des premières puissances mondiales de l'islam, et ce qui va être un succès, puisque par exemple l'encyclopédiste Al-Oumari, mais d'autres également, vont inscrire le sultanat du Mali parmi les premières puissances de l'islam dans la première moitié du 14e siècle. Donc un voyage qui est vraiment couronné de succès. Une histoire passionnante, hein, parce que ce que vous racontez, mais ce que raconte cette histoire, est là souvent déformée sous forme de légende, entre ce roi qui part sur l'océan, entre cet autre roi qui traverse le désert et qui se rend jusqu'à la Mecque, c'est une histoire qui est chargée de sens, mais qu'il faut décrypter. C'est pas facile de la décrypter, de voir son utilisation aujourd'hui dans le cours de l'histoire, écrire l'histoire de l'Afrique ancienne. Vous avez compris, hein, c'est un va-et-vient entre le Mali et l'Éthiopie. La croix, arme ancienne des croisades et des bûchers, épée de toute la chrétienté, c'est un autre artisan du rivage qui la fabrique pour les moines du lac Tana. Il les fabrique aussi pour le clergé séculier de Gondar, ancienne capitale de l'Éthiopie, pour ses prêtres qui sont les frères par le cœur et par l'esprit des pauvres moines des îles du lac Tana. Au château de Gondar, on monte de marche en marche vers les terrasses supérieures, d'où il semble parfois que le ciel soit moins loin. Puis on bénit la ville. Le jour même où, dans la petite île sainte de Kébran, un office solennel se déroule à l'occasion d'un pèlerinage. Les beaux livres sont ouverts. Pastorale africaine, l'Afrique du soleil levant, c'est en 1963 un documentaire de Louise Weiss. Amélie Chekroun, ici il y a une évocation de cette Éthiopie chrétienne qui est une réalité dans la narration, il n'y a aucun souci, mais y a-t-il une autre narration de l'histoire de l'Éthiopie qui serait musulmane? Y a-t-il des narrations qui sont en parallèle sans jamais se croiser? Ou alors peut-on faire une histoire de l'Éthiopie qui mêle le tout? Bah, penser les royaumes chrétiens sans les sultanats musulmans voisins et inversement ces sultanats musulmans sans le royaume chrétien, c'est un non-sens complet. L'un ne va pas sans l'autre et ne serait-ce que pour le régime documentaire et les sources, ce n'est pas possible. Mais d'un point de vue historique et d'un point de vue les dynamiques de l'époque entre ces deux espaces, les deux sont interconnectés de manière très étroite. Pour ce qui est du royaume chrétien, les relations avec les musulmans sont constantes pour plusieurs raisons. La première, c'est la raison commerciale. C'est-à-dire que ce sont les musulmans qui contrôlent le commerce avec le monde extérieur, avec le commerce du monde musulman. Et donc, les relations avec les musulmans sont essentielles. Ce royaume chrétien a besoin des relations avec l'Égypte, parce que c'est l'Égypte qui envoie le chef de l'Église éthiopienne quand l'Église éthiopienne en a besoin. Donc, ces relations avec les musulmans et plus généralement le monde islamique, dont les Coptes, qui ne sont pas le monde islamique, mais qui habitent au Caire, les relations sont indispensables. Nous l'entendons bien, Adrien Collet, quand il nous parle du sultanat du Mali, est sans cesse confronté à la lecture qui a été faite du passé, ses interprétations. Alors c'est tordu, c'est complexe, c'est parfois fourré dans la légende et puis parfois plus idéologique. Est-ce que c'est la même chose pour l'Égypte? Et là, peut-être au-delà même de l'histoire, c'est qu'on touche presque à l'actualité ici pour ces tensions qui sont le fruit non pas de l'histoire du pays, mais de l'instrumentalisation de l'histoire. Absolument. L'histoire de l'Éthiopie a, pendant le 19e et tout le 20e siècle, jusqu'à une période très récente, jusqu'à il y a 15-20 ans, était dominée par l'histoire du royaume chrétien. Et c'était en partie une volonté politique de l'Éthiopie, du gouvernement éthiopien et du gouvernement érythréen dans une autre mesure. Et les populations qui n'étaient pas chrétiennes et les régions non chrétiennes de l'Éthiopie n'étaient pas étudiées. Et le gouvernement éthiopien faisait, d'une certaine manière, en sorte que ce soit le royaume chrétien qui domine le discours national et le récit national sur l'Éthiopie millénaire. Depuis 15-20 ans, et depuis que les régions qui ne sont pas le cœur du royaume chrétien sont ouvertes et où les chercheurs peuvent se rendre, là il y a un discours qui se complexifie, des régions qui émergent comme étant musulmanes, ou ni chrétienne ni musulmane, et qui ne faisait pas partie de cette Éthiopie chrétienne et qui ne faisait pas partie de ce royaume, et qui ont été intégrées à l'Éthiopie actuelle, les frontières de l'Éthiopie actuelle, qu'à la toute fin du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle. Et cette survalorisation de l'histoire chrétienne pour toute cette région qui échappait complètement à cette autorité chrétienne au Moyen-Âge dépend de cette création de l'Éthiopie contemporaine au tout début du XXe siècle. Avec cette particularité en Afrique de l'absence de colonisation pour une partie de la région. Et c'est vrai que quand on regarde le continent africain entièrement colonisé, il y a ce cas particulier de l'Éthiopie. Mais là aussi, hein, ça rentre dans une longue histoire. Adrien Collet, au moment de la décolonisation, toute cette région, ce qui était couvert par le sultanat du Mali, mais on l'a bien dit, c'est pas le Mali actuel, ça va beaucoup plus loin, au moment de la décolonisation, par l'utilisation des noms, tout simplement. On voit bien comment cette histoire est sans cesse récupérée. Oui, bien sûr. Moi, quelque chose que je voulais absolument faire pour ma thèse et dont est issu ce livre, c'était d'aller faire un tour dans les archives nationales de Bamako, au Mali, et d'étudier la place que tenait le Mali médiéval dans les discours politiques des années 50-60 en Afrique de l'Ouest. Et comment, finalement, mes questions, c'était est-ce que le Mali médiéval a fait l'objet d'une utilisation politique à cette époque-là. Évidemment, la réponse était oui, puisqu'ils avaient repris le nom. Mais comment ça avait été fait? Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment le Mali médiéval, le sultanat du Mali, qui est pris pour penser un discours historique, évidemment, qui s'oppose à celui du colonisateur, et pour un peu refonder une sorte de d'arrière-plan historique pour les jeunes esprits des nouveaux États indépendants. Et c'est vraiment intéressant, parce que donc voilà, Sundiata Keïta est omniprésent, mais pas seulement. Et il y a vraiment l'invention à cette époque-là d'un âge d'or. On va dire les colonisateurs avaient fait du Moyen-Âge ouest-africain une exception historique, puisqu'ils étaient arrivés en pensant que cette région n'avait pas d'histoire. Ils ont été obligés de reconnaître que sur cette région avait une histoire. Donc ils ont fait une exception, évidemment, en disant que c'était évidemment les Arabes qui étaient venus apporter la civilisation au Sahel occidental. Et ensuite, cette exception historique, qui était un peu une sous-histoire médiévale, à l'époque des indépendances, on en fait un âge d'or, évidemment. Et en renversant complètement tous les stigmates, et en disant qu'à l'époque, l'Europe était ravagée par les guerres et les épidémies, et que en fait l'endroit où il avait la civilisation la plus épanouie, la plus avancée, était en Afrique de l'Ouest. Et donc là, on a vraiment toute une nouvelle histoire qui s'écrit, notamment à l'aune des traditions orales, qui font l'objet d'un intérêt extrêmement important à cette époque. Merci beaucoup Adrien Collet pour cette histoire régressive d'un empire médiéval. Ce serait intéressant de faire aussi pour l'Éthiopie une histoire régressive, parce que c'est porteur de progrès, CNRS édition Le Sultanat du Mali. Merci beaucoup à vous deux, Amélie Chekroun et Adrien Collet. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Est-ce qu'on fêtera un jour la Saint-Glinglin? On connaît tous la formule consistant à reculer indéfiniment la date d'un événement en le renvoyant à la Saint-Glinglin, c'est-à-dire à une fête qui n'existe pas dans nos calendriers. Le but de ma chronique d'aujourd'hui n'est pas de faire l'histoire de cette expression, mais d'attirer l'attention sur la place toujours énorme qu'occupent les références religieuses dans notre vocabulaire courant. La coutume d'honorer un saint chaque jour du calendrier est une caractéristique de la religion chrétienne. Les premiers chrétiens prirent en effet l'habitude de fêter les martyrs de leur cause à la date anniversaire de leur mort, qui était aussi la date de leur naissance dans le royaume de Dieu. La liste fut ensuite élargie à l'ensemble des chrétiens canonisés, martyrs ou non. Mais lorsque tous les jours de l'année furent occupés par un saint ou une sainte, la question de la sélection des héros dignes de figurer dans le calendrier se posa avec acuité. Bien que cette affaire soit la prérogative de la papauté, des coutumes locales influèrent pendant longtemps sur le choix des saints célébrés ici ou là. Ce qui explique qu'aujourd'hui encore, un même prénom puisse être fêté à des dates différentes selon les époques ou les lieux. Prenons le cas des Gérard. Dans le calendrier chrétien, la Saint-Gérard est fixée le 3 octobre en mémoire de Gérard de Brogne, un moine fondateur de plusieurs abbayes en Belgique, mort en 959. Mais ce Saint-Gérard-là s'est imposé au détriment de plusieurs autres Gérards, comme Gérard de Mâcon, le fondateur du monastère de Broux à Bourg-en-Bresse, dont la fête est célébrée le 29 mai. Pour régler le problème, les autorités ecclésiastiques supprimèrent du calendrier chrétien un grand nombre de saintes et de saints. Peine perdue, car au cours des deux derniers siècles, la question est devenue beaucoup plus complexe. Le développement des échanges, l'extension des liaisons à distance et l'intensification des migrations ont accentué le décalage entre la liste officielle des prénoms chrétiens et le choix des parents. Aujourd'hui encore, nos calendriers célèbrent les Mélènes, le 6 janvier, Paterne, le 15 avril, Silvère, le 20 juin, Thècle, le 24 septembre, alors que ces prénoms sont tombés en complète désuétude. Inversement, les prénoms féminins les plus donnés en France, comme Chloé, Jade, Mila ou Ambre, n'ont pas leur place dans ces calendriers. Le même constat s'impose pour les prénoms masculins. Certains se sont élevés récemment pour que les principes républicains d'égalité et de laïcité soient également respectés dans ce domaine. Selon eux, les prénoms qui rappellent la diversité de la population actuelle de la France devraient être reconnus au même titre que les vieux prénoms chrétiens. Ce principe d'égalité devrait s'appliquer aussi quand il s'agit de prénoms inventés par des parents soucieux d'afficher leur originalité. Si ces revendications étaient adoptées, peut-être qu'on pourrait envisager de célébrer un jour la Saint-Glinglin. Encore faudrait-il que ce prénom ne soit pas considéré comme ridicule. Les préfets peuvent en effet interdire un prénom susceptible de nuire à l'intérêt de l'enfant, comme cela s'est produit quand des parents ont voulu appeler leur fille Nutella et leur fils Titeuf. Ah oui, ça s'explique. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Autant suspend ton vol et vous, Repropice, suspendez votre cours, pas le cours de l'histoire, bien sûr. C'est pas Lamartine, c'est Valérie qui arrive. Valérie Hanin, bonjour. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire, l'invention du temps. Mais le temps, c'est la base de l'histoire. Les historiens, les historiennes réfléchissent, travaillent sur le temps, mais encore fallait-il l'inventer? Eh oui, parce que le temps, c'est le matériau de l'histoire, vous le dites, mais pourtant, ça n'a absolument rien d'évident. Et d'ailleurs, saint Augustin le disait déjà dans sa grande sagesse. « Si personne ne me demande ce qu'est le temps, je le sais. Mais si quelqu'un me pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Et c'est comme ça, évidemment, qu'on s'est lancé dans l'histoire de ce numéro de l'invention du temps, qui est une histoire assez vertigineuse. Au fond, on ne se mesurait pas très bien dans quoi on allait. À la fois l'histoire de la mesure du temps, des instruments de mesure, la clepsydre, le sablier qui est sur notre couverture, dans la main de la tempérance, là, sur la fresque de Lorenzetti à Sienne, mais aussi la montre de l'officier, l'horloge mécanique sur les beffrois du Moyen-Âge. Et puis bien sûr, la fabuleuse histoire des calendriers, la guerre des calendriers. Depuis les plus anciennes tablettes de Mésopotamie, de Babylone, on a la notation du temps à partir évidemment de l'observation des astres. Et l'année lunaire, l'année solaire, César qui invente l'année bissextile et le calendrier solaire magnifique. Même un calendrier gaulois. même un calendrier gaulois. Non, mais c'est... Mais celui-là n'a pas duré, alors que César a imposé le sien, même s'il a été réformé. Mais pour l'imposer, il a fallu qu'il impose aussi une année pour tout recaler de 445 jours. Donc il y a cette guerre des calendriers. Enfin, ce qui nous a vraiment fascinés, c'est le à quel point la maîtrise du temps est une affaire de pouvoir. Et notamment pour l'Occident, évidemment, qui impose l'ère commune. Mais l'ère commune, c'est quoi? C'est une ère qui commence avec la naissance du Christ. Mais un calcul très compliqué qui a été fait en plein Moyen-Âge. Oui, puis on le voit bien, ces évolutions, c'est ça qui est très intéressant. C'est parce que le calendrier, dans notre esprit, ça y est, il est facilement figé, la notion d'heure est figée. Pas du tout. Mais non, mais voilà, c'est ça, ça évolue sans cesse. Et Valérie, dans ce numéro de l'Histoire, il y a aussi cette réflexion, et c'est très intéressant, sur la perception même de ce qu'est le temps, le présent, le passé, le futur, que, et ça c'est clairement expliqué, même un roi de France n'aurait pas pensé conserver en mémoire son année de naissance. C'est pas évident. Tout ça a une histoire, rien n'est évident, même cette notion d'accélération du temps, même si on sait très bien qu'il y a une véritable accélération de la maîtrise du temps, enfin de la volonté de maîtriser le temps avec les cadences, les pointeuses, courir contre la montre. Quelle drôle d'idée, courir contre la montre, c'était pas évidemment le sens des Jeux Olympiques des Grecs. Donc toutes ces notions qui nous paraissent absolument évidentes et qui ont retrouvé peut-être une acuité particulière avec le Covid, l'expérience du temps complètement bouleversée avec la pandémie de Covid, et puis quand même ce retour de l'angoisse de la fin des temps, hein, qui est en train de nous obséder et qui nous fait réfléchir et voir autrement peut-être la flèche du temps des chrétiens du Moyen-Âge et toutes les questions de millénarisme. Car au fondement de tout ça, il y a aussi le compute, hein, ce mot absolument magnifique qui nous dit que les hommes veulent compter. Et ils veulent compter, mais compter quoi ? Ça n'a évidemment, tout ça n'a rien d'évident. Et puis avec toute une réflexion justement sur la nécessité de mesurer le temps, de le compter, mais pour le côté pratique, quand on est en bateau ou quand on veut prendre le train. Non, mais c'est ou quand on est un moine au Moyen-Âge qui doit sonner matine en plein cœur de la nuit, comment sait-il que c'est matine ? Eh oui, mais c'est ça, mesurons le temps, c'est pas simple. Eh bien, c'est le numéro du magazine L'Histoire, l'invention du temps, et qui est passionnant, parce que, comme on le disait, il y a toutes ces approches, création du calendrier, réflexion sur le temps, mais comment faire? Eh bien, merci Valérie Hanin, mais pour nous, il est temps de passer la main. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, une émission préparée par Anne Toscane Viudas, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Margot Vielle, Shirley Adélaïde et Maïwenn Guizy. You. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.